the low. In the forest. Comme le loup introduit dans la bergerie. Hola. Y'a le rouge dans la place. Au pied des Pyrénées. Des pieds jusqu'au cerveau. De fou, un truc de dingue. Remonte des pattes jusqu'au cerveau. différent. Comme la vie. Depuis le début, je te l'avais dit, c'est la base qu'il faudrait évoluer vers une nouvelle ère. New dawn, a new day, un nouveau. About to love me. About to love me. to make noise about to make sound about the shame. Oh yeah, ninja like. About to listen, about to share. Comme Arthur Rimbaud, les deux pieds dans l'herbe, à 4h du matin, regardant les étoiles. Thank you.

les gars. Thank you. c'est beau, pas c'est beau. Oh bah. C'est beau. Au pied du volcan. Voyons. Croyance, plus ou moins obscure, de plus ou moins loin. La peur, des peurs nous font trembler. Comme depuis le début de l'humanité, nous savons pas d'où nous venons, pourquoi on a peur. Depuis qu'on a le feu, depuis qu'on a le feu. Nucléaire. Il semblerait qu'on essaye de faire peur. Il semblerait qu'on cherche à créer des alliances. Jusqu'alors.